Le mardi 18 octobre, ici Dominique Lelièvre pour les informations. Du nouveau d'abord dans le dossier des agressions sexuelles à l'Université Laval, le recteur Denis Brière s'adressera aux médias et à la communauté universitaire cet après-midi, soit plus de 72 heures après les événements. Il le fera conjointement avec la ministre de l'Éducation supérieure, Hélène David, avec qui il s'entretenait ce midi. Son silence, ces trois derniers jours, avait été dénoncé notamment par un enseignant de sciences politiques qui avait évoqué un manque d'empathie envers les membres, de la part des membres de la haute direction. De leur côté, les étudiants du comité Femmes U Laval ont dénoncé que le service de sécurité de l'université a retiré une bannière contre la culture du viol qu'ils avaient apposée à l'intérieur du pavillon principal. Et puis, on a appris dans les dernières heures qu'une 11e victime s'ajoutait. La police de Québec affirme avoir reçu une nouvelle plainte pour intrusion dans une chambre dans la nuit de vendredi. Aucun geste à caractère sexuel n'aurait cependant été commis dans ce cas précis. Quatre étudiantes affirment jusqu'à présent avoir été la cible de tels gestes d'inconduite. Le président Dana Collard réagit à la proposition formulée par le maire de Québec d'acheter son terrain pour l'inciter à déménager son usine de Cap-Rouge. Selon Le Soleil, le président Éric Nadeau est peu favorable à cette éventualité, à moins que l'offre de la ville soit suffisamment alléchante. Il aimerait aussi, le cas échéant, recevoir une aide financière pour reconstruire son usine, ce à quoi Régis Labeaume s'est déjà opposé. Rappelons que le maire de Québec a proposé au conseil de ville de racheter le terrain à sa valeur marchande, moins les coûts de décontamination. Il espère ainsi mettre un terme au problème d'émanation polluante dans ce secteur de Cap-Rouge. Il sera possible pour la première fois à Québec de se procurer une vignette tempête, mais à certaines conditions. La Ville de Québec a annoncé qu'elle mettrait en vente, le temps d'une journée seulement, ces vignettes aux résidents de l'arrondissement de la cité à Limoilou, ces vignettes qui donneront accès au stationnement extérieur de la ville durant les opérations tempête. Enfin, c'est cet après-midi que débute la commission parlementaire sur le projet de loi sur la neutralité religieuse de l'État. Le projet de loi du gouvernement libéral stipule que les services publics doivent être donnés et reçus à visage découvert. Il ne donne cependant pas suite à la recommandation du rapport Bouchard-Taylor d'interdire le port de signes religieux aux représentants de l'État en position d'autorité. À la météo aujourd'hui, la pluie devrait cesser tôt cet après-midi pour faire place à un ciel nuageux, maximum aujourd'hui de 16 degrés. On a 7 degrés présentement. La pluie qui devrait reprendre ce soir et cesser vers minuit. Il y aura dégagement par la suite. Demain, mercredi, ce sera généralement ensoleillé avec un maximum de 13 degrés. Retour de la pluie cependant dès jeudi avec un maximum de 14 degrés. La pluie se poursuit vendredi, samedi et même dimanche selon ce que nous annonce Environnement Canada.